Chapitre 4. La littérature brutale. Il faut savoir en effet que si le réalisme est le fond solide de l'art, rien, aussi, n'est plus difficile que d'être vraiment réaliste et de s'y tenir. L'art réaliste consiste à voir exactement et sans passion les choses et les hommes et à les peindre d'eux-mêmes. Il aura donc pour méthode, non pas de jeter au hasard toute la réalité dans l'œuvre d'art, parce que cela est matériellement impossible, et que si le réalisme était cela, l'art réaliste consisterait à se promener dans la rue, mais de choisir, sans passion, sans autre goût que celui du vrai, parmi les 1000 détails de la réalité les plus significatifs, et de les coordonner de manière à produire sur nous l'impression que produit le réel lui-même, mais plus forte. Cela a l'air simple, et c'est extrêmement malaisé, toute question de génie mise à part. En effet, si l'artiste écrit, c'est comme l'homme fait toute chose, mu et poussé par une passion. Il a toujours, quoi qu'il fasse, l'arrière-pensée ou le secret désir de prouver, convaincre, attendrir, convertir, attirer à soi le lecteur, verser dans son œuvre quelque chose de ce qu'il pense, espère, rêve, regrette ou désire. Ici, c'est ce qu'il ne faut point. L'art réaliste doit être aussi impersonnel que possible. Il doit ne rien révéler des passions de l'auteur. Et pourquoi non? Parce qu'il s'agit de peindre le vrai, et que dès que je puis apercevoir les passions de l'auteur, je le soupçonne aussitôt d'avoir arrangé et redressé la réalité dans un sens favorable à ses passions. Dès lors, pour moi, plus d'illusion de réalité. Le but est manqué. Nous sommes dans un autre art, qui peut être admirable, croyez que je le sais bien, mais qui n'est plus le réalisme. Si ce qui précède est vrai, on voit que la chose devient compliquée. Il est très difficile à un écrivain d'écrire sans y être poussé par une passion, et dès qu'il éprouve une passion en écrivant, il ne sera plus réaliste. Car, par définition, tout ce qui n'est plus réalisme, non seulement est autre chose, mais est son contraire. Eh bien, cette dégénérescence du réalisme en choses qui en sont la négation même se produit constamment dans l'histoire de l'art. Racine est un réaliste qui a la passion de la vérité, mais aussi celle d'une certaine noblesse de convention qui fait perdre quelquefois de vue la réalité. La Bruyère est un réaliste, mais avec une certaine amertume de misanthropie. Les réalistes anglais contemporains, avec une vue bien pénétrante et un sens du réel incomparable, ont un souci d'attendrir sur les misères humaines et des effusions de sensibilité, comme Dickens, ou une pente à moraliser et un certain air de prédicant, comme George Eliot, qui sont choses fort acceptables et souvent touchantes en elles-mêmes, mais qui déjà nous écartent un peu de cet art qui prétend n'être qu'une déposition de témoins sous serment. Il arrive même, selon la passion intime qui anime l'auteur, que le réalisme aboutit aux façons les plus différentes de peindre les mêmes gens. Flaubert et Tolstoï ont tous deux une véritable passion, comment dirais-je, pour les hommes de condition moyenne et d'intelligence un peu au-dessous de la moyenne. Seulement, Flaubert les peint, et très bien, mais avec une véritable fureur d'ironie, de persiflage et de sarcasme, nous poussant du coude à chaque instant, de la manière la plus désobligeante pour nous dire « sont-ils assez grotesques ?» Et Tolstoï les peint, et avec une fidélité admirable, mais avec une sorte de tendresse et de vénération, paraissant s'écrier à chaque ligne « quelle vraie grandeur !» L'un est assurément aussi désagréable que l'autre. En France, c'est en général du côté du sarcasme qu'ont glissé nos réalistes. Scarron, Furetière, La Bruyère n'ont guère peint la vie réelle, populaire ou bourgeoise que pour s'en moquer. Le réalisme, au siècle classique, n'est d'ordinaire considéré que comme matière d'œuvre comique. L'originalité de Balzac est d'avoir compris qu'il pouvait être tragique au plus haut degré. Seulement, si c'est de ce côté qu'il a pris ses avantages, c'est de ce côté aussi qu'il a trop penché. C'est par là que sa passion l'entraîne, par là qu'il devient systématique, par là qu'il sort du réalisme vrai. Le réalisme devient chez lui une forme du pessimisme. Il aimait à voir les choses et les hommes en laid. Il tempêtait, dans les conversations particulières, contre l'hypocrisie du beau. Il aime pousser à outrance, au-delà des limites du vrai, tout au moins du vrai ordinaire et moyen qui constitue le vraisemblable, l'horreur des situations, la scélératesse, la perfidie ou la bassesse des hommes. Il aime le violent et le brutal. Ce n'est pas la brutalité et la violence que je repousse du domaine de l'art, c'est la brutalité et la violence quand elles sont manifestement fausses et ruine l'impression de réalité que l'œuvre m'avait donnée jusque-là. Que Rubempré soit forcé de passer une nuit auprès de son amie morte, à rimer des chansons à boire et des gravelures pour payer l'enterrement, je trouve cela tragique et je suis ému, car cela peut être vrai. Mais que Vautrin, caché dans la maison Vauquer, sous les apparences d'un bourgeois honnête et paterne, s'échappe tout à coup à faire une dissertation sur Paris considéré comme coupe-gorge, je vois bien là que c'est une manifestation de cynisme inutile, que ce n'est pas Vautrin qui parle, il est trop intelligent pour cela, mais Balzac, qui place là une proclamation de pessimisme. Que Madame Marneffe, mourant repentie, dise, dans un langage ignoble, et qu'elle ne parlait pas pendant sa vie, « Il faut que je fasse le mon Dieu. » Je vois bien que Balzac fausse le caractère du personnage, est infidèle à la vérité pour le plaisir, qui lui est trop cher, de scandaliser l'honnête lecteur par une prouesse de grossièreté. On comprend que je ne multiplie point les exemples en pareille matière. Il y en a beaucoup, et beaucoup trop. Toute une littérature est sortie de là, celle que Weiss a caractérisée d'une définition qui restera la littérature brutale. Beaucoup n'ont vu que cela dans Balzac, et n'en ont pas imité autre chose. Il est responsable de toutes les audaces faciles et méprisables de tous ces romanciers qui ont faim de croire que le réalisme était dans l'étude des exceptions sinistres ou honteuses, tandis qu'il est tout le contraire, qui, sous prétexte de vérité, n'ont étalé que l'horreur nauséabonde et qui, à mon très grand regret, ont fini par faire du mot réalisme le synonyme courant de littérature infâme.